Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Je suis venue au monde à l'ombre précaire d'une bicyclette suspendue entre ciel et terre. C'est l'incipit de Mes rayons de soleil, un livre dans lequel Louis Nucera refaisait le parcours du Tour de France de 1949, remporté par Fausto Coppi, auquel l'écrivain niçois vouait une admiration sans bornes. Né à l'ombre d'une bicyclette en 1926 et mort à vélo percuté par une auto sur une route des Alpes-Maritimes de l'an 2000, amoureux du cyclisme, de la littérature, des chats et de l'amitié, Louis Nucera se prêtait en 1971 au jeu de l'entretien que lui proposait Pierre Lost dans l'émission Les mots-clés. Le principe était simple, pas de questions, mais des mots auxquels il était proposé à l'invité de réagir. Des mots simples comme « enfance » ou « peur » ou moins faciles à placer comme « futurologie », des noms propres aussi comme « Zanzibar » ou « Marignan » ou des noms d'amis, Georges Brassens, Jean Cocteau, Raymond Moretti, qu'évoquait avec chaleur Louis Nucera dans l'archive que nous écoutons maintenant. Les mots-clés, Louis Nucera, une émission diffusée la première fois le 21 août 1971 sur France Culture. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez le principe de notre émission? Oui, je connais. Alors, nous commençons. Avec plaisir. L'enfance. L'enfance, c'est pour moi l'évocation de ma mère. Et si vous voulez, un sentiment de culpabilité, parce que c'est une des personnes... La balance de la gentillesse penchait toujours de son côté. Et c'est assez pénible de ne pas réussir... à faire pencher le fléau un peu du sien de côté. La banque. La banque, c'est horrible. Par bonheur, pour moi, tout vient me nourrir, le pire comme le meilleur. Et disons que pendant 14 années de ma vie où j'ai été employé de banque, je le raconte d'ailleurs dans mon livre « L'obstiné », ça a été une période qui ne m'a pas plu du tout. Il me semble maintenant, quand j'y songe, que c'est un autre qui l'a vécu. La mer, M-E-R. La mer, pour moi, c'est la Méditerranée. Cet été, j'arrive d'ailleurs de Nice, où je travaillais. Je me suis baigné. Et j'ai l'impression, quand je suis dans l'eau, de me retrouver au temps de l'enfance, quand ma mère me conduisait à la plage, de peur que je me noie. Et j'étais toujours sous ses yeux, elle me surveillait. L'argent. Bon, ça ne m'intéresse pas du tout. Schubert. Je connais mal la musique. Je ne sais pas... discerner. Les signes. Les signes, vous parlez de sémiologie, vous parlez de ces gens qui, en voiture, par exemple, ont des petits chiens qui s'allument, dont les regards s'allument quand ils freinent. Je sais, par exemple, que je ne pourrais jamais sortir avec ces gens-là. Je crois beaucoup aux signes. Je ne parle pas du zodiaque, je parle de ces signes-là. Le journalisme. Le journalisme est pour moi une passion. Je pense que c'est un état d'esprit, ce n'est pas un métier. Et j'ai l'impression de l'avoir toujours été, et maintenant que je l'ai quitté, puisque je travaille dans une compagnie phonographique, je suis toujours journaliste. C'est grâce au journalisme, par exemple, que l'on sait ce qui se passe. Je sais qu'il y a des abus, je sais qu'il y a beaucoup de mensonges, parce que tout se déprave, mais quand même, c'est formidable, le journalisme. La femme. La femme... J'aime beaucoup les femmes, c'est une fête de l'œil, et puis j'aime beaucoup ma mère, j'ai beaucoup aimé ma mère, et j'aime beaucoup ma femme. J'ai toujours vécu avec des femmes à la maison. Quand j'étais gosse, il y avait ma mère et ma grand-mère autour de moi, Et maintenant, il y a ma femme autour de moi. Raymond Poulidor. Je préfère Jacques Anquetil. Je sais que les Français préfèrent Poulidor, mais moi, je préfère Jacques Anquetil. On dirait toujours que le talent gêne les Français. La vérité. Elle est tellement difficile à cerner. J'ai l'impression que l'on passe son temps à parler sans savoir vraiment, sans avoir les informations pour parler. Mais ce serait important de la traquer, la vérité, toujours. Enfin, disons que s'il y a ici M. Boussac qui parle avec son ouvrier, je ne veux même pas entendre ce qu'il dit, je donne raison à l'ouvrier. C'est ça ma vérité à moi. La création littéraire. Pour moi, c'est une passion, c'est un travail de psychanalyse extraordinaire. Vous savez que j'ai toujours écrit, que je n'ai jamais montré ce que je faisais, et néanmoins, je ne regrette pas cette longue nuit. J'ai l'impression que ça m'aidait à me comprendre un peu mieux, quoi, spirit de mes propres fantômes. Le cinéma. J'ai une passion pour le cinéma américain. Je vais toujours au cinéma voir un film de Far West ou un policier américain de la grande époque. Je parle de John Garfield ou de Bogart ou de James Cagney. J'y vais vraiment comme au temps de l'enfance, quand j'avais la récompense une fois par mois le jeudi et que je pouvais aller dans une salle où on jouait 4 ou 5 films, Jim la Jungle, les films comme Charlie Chan, comme Peter Lorre dans Monsieur Moto. J'aime beaucoup le cinéma, surtout le cinéma américain. La superstition. Je ne suis pas superstitieux. J'ai un grand ami qui est Joseph Kessel, qui est infiniment superstitieux. Par exemple, le moindre voyage que nous devons faire, si nous nous séparons, si nous partons ensemble, même si nous n'avons qu'une vingtaine de kilomètres à faire, il faut s'asseoir. Et Joseph Kessel dit « Dobry czas » et je réponds « Bogom ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il paraît ensuite apte à surmonter toutes les difficultés et aucune tragédie ne surviendra. L'arbre. Quitter un arbre des yeux et on est foutu. Je pense que je suis comme ça. J'aime vraiment beaucoup les arbres et quand je les vois coupés le long des routes, ça me crève le cœur. Léon à quoi bon ? Léon à quoi bon, c'est le héros derrière lequel je m'abrite, le personnage de mon livre. Je dis à quoi bon parce que on se demande si on réussit vraiment à progresser. Mais en vérité, je pense que je ne suis pas Léon à quoi bon et que j'ai toujours l'espoir que l'homme progressera et qu'enfin nous aurons le droit de pouvoir aimer tout le monde et non pas de faire des réserves sur beaucoup de gens. Parce qu'on ne peut juger personne, je crois que c'est de la faute de personne, mais quand même devant certaines actions mesquines ou malhonnêtes, il est indispensable que l'on s'insurge. La drogue. Je vois une campagne contre la drogue en ce moment. Je m'étonne qu'il n'y ait pas de campagne contre l'alcoolisme qui est beaucoup plus grave. Mais je présume que trop d'intérêts sont en jeu. La philosophie. Vous savez, ça c'est un de mes graves problèmes. Vous savez, j'ai travaillé très très jeune et je n'ai aucune formation universitaire. Je suis vraiment un type de la communale. Et j'essaie de lire les philosophes et j'y arrive vraiment très mal. Mais je le regrette vraiment. J'espère toujours avoir le temps pour pouvoir me consacrer pendant une année à l'approche de ces techniciens du mot. Je comprends tous leurs mots et je n'arrive pas, je perds le fil au bout de 3 ou 4 phrases. J'ai essayé de lire Foucault dernièrement parce qu'un ami m'en a dit le plus grand bien. Barthes également, le degré zéro de l'écriture. Et je me sens vraiment très nié parce que je ne comprends pas. L'objet. Ma femme est passionnée des bibelots, des objets. Personnellement, je n'aime pas trop. Je ne fais pas attention, quoi, sauf les livres. Alors, les livres, c'est vraiment, pour moi, le plus bel objet, quoi. J'ai un respect fou pour les livres. J'ai l'autre jour, mon ami Raymond Moretti voulait clouer un de mes livres pour présenter dans une vitrine d'une librairie qui avait eu la gentillesse d'organiser une signature pour moi. Et j'ai dit à Raymond, sois gentil, ne cloue pas un livre, ça me fait du mal. Et alors, avec sa gentillesse extraordinaire, il a construit un livre en bois. Le premier lecteur. Pour mon livre, le premier lecteur, ça a été Joseph Kessel, qui a été un censeur impitoyable, puisque j'avais fait un livre de 750 pages. Il m'a écrit de Biarritz une lettre odieuse en disant tu n'as pas le droit de délayer comme ça, d'être si long, mais qui va acheter un inconnu un livre si cher. Et je l'ai écouté, j'ai coupé environ 350 pages, mais tel que je le connais, je présume qu'après m'avoir adressé la lettre, il a dû passer une nuit très russe d'angoisse et de remords. La poésie. La poésie, je trouve qu'elle est dans la rue à tous les instants. Je ne suis pas tellement sensible à la poésie écrite, mais la poésie des gens... Alors je trouve ça extraordinaire à tous les moments. Il y a un jour j'étais à Villefranche où je promenais avec ma femme et j'avais emmené un de mes chats en promenade et j'ai rencontré une dame qui aimait beaucoup les chats, qui était serveuse dans un bar et qui me dit « Si vous saviez, ma petite chatte blanche vient d'avoir des enfants, il y en a 4, je pense qu'elle les a eus avec un chat noir parce qu'il y en a un blanc en noir, un blanc en noir, on dirait des touches de piano. » Pour moi ça c'est magnifique. Le comédien. Je pense que les comédiens ont le sens du geste à ne pas faire. Par contre, dans la vie, les gens savent jouer la comédie. En vérité, ils ne la jouent pas, ils sont vrais. L'autre jour, à la télévision, j'ai vu une petite séquence où il y avait... on a interrogé le point central de la France. Et on a interrogé un vieux monsieur. On lui a dit, qu'est-ce que ça vous fait quel est l'avantage d'habiter au centre, vraiment, de la France? Et il a dit, on est loin du front. Oh, c'était extraordinaire. La peur. Je n'ai pas connu la peur. Peut-être un peu la peur de celui qui a toujours été pauvre. C'est pour ça que je redouterais de ne pas être salarié quelque part et que je ne sais pas prendre un risque comme ça. Maintenant, au point de vue guerre, j'ai eu le bonheur de ne pas faire de guerre. Par contre, j'ai fait pas mal de manifestations dans la rue contre la police, ou plutôt la police contre nous, des grèves. Et ici, je n'ai jamais eu peur. Évidemment, j'ai connu des gens qui recevaient des grenades et se pencher et les renvoyer sur le service d'ordre. Moi, quand une grenade arrivait, je partais. Je n'avais pas ce courage-là. Audi Berthe. Audi Berthe, c'est Claude Nougaro qui me l'a fait découvrir. Et vraiment, je lui suis reconnaissant. C'est d'un tel baroque et d'une telle richesse. Il faut vraiment le lire au compte-gouttes. Et c'est extraordinaire à lire. Je viens d'ailleurs de découvrir, grâce à Moretti, chez Fasquel, dans la collection Libelle, un petit livre qui s'appelle Les enfants naturels, que j'ai lu pendant mes vacances. Et c'est vraiment étonnant. Quelle maîtrise de la langue, quel baroque. Formidable. J'aime beaucoup Audi Berthe. L'énigme. L'énigme. On est cerné d'énigmes. Je ne sais pas trop vous parler sur l'énigme. Je pense qu'un savant, s'adressant à des gens comme moi, se disent « cet homme vit dans une énigme totale, nous sommes un autre monde pour eux ». Je pense qu'ils approchent un peu plus de quelques solutions, mais ils sont tellement infinis qu'eux aussi vivent dans l'énigme. Mais en ce qui nous concerne, enfin en ce qui me concerne, comparé à l'exactitude d'un savant ou d'un mathématicien, je me sens vraiment minuscule. La critique. La critique, si j'en fais un cas personnel, vraiment les critiques ont été très bons pour mon livre et j'ai eu vraiment de très bonnes critiques. Et pour moi, ça m'a été infiniment utile. Cela dit, je connais toutes les critiques sur la peinture. J'ai même lu certaines critiques de M. de Pontmarin, qui s'est trompé sa vie durant. Mais enfin, disons, si j'en fais un cas individuel, en ce moment, je suis reconnaissant à la critique. Le tiercé. Je ne joue jamais au tiercé. Comme je suis anthropophage des gens et que je passe souvent dans les bars le dimanche pour voir un peu, je suis assez atterré. Quelle tristesse. Le rêve. Et je ne rêve jamais. Il paraît que c'est impossible, qu'il est impossible de ne pas rêver. Je rêve éveillé souvent, alors là oui. Et c'est très bon. Mais je n'ai aucun souvenir de rêve lorsque je me réveille le matin. Le livre. Le livre, littérature. Oui. Alors le livre... Je crois qu'il n'y a rien que j'aime plus qu'un livre. Je crois que je l'ai dit il y a un instant. J'ai un respect fou pour les livres, quoi. Je l'ouvre avec une émotion. Parfois, je ne vais pas loin parce qu'une colère me vient si ça ne correspond pas à ce que j'attends. Je ne dis pas que je ne vais pas être surpris, puisque des gens comme Artaud, par exemple, me surprennent, puisqu'ils ont un mécanisme de pensée qui n'est pas le mien. Et comme toujours dans ces cas-là, au contraire, j'admire ce que je ne pourrais jamais faire. Mais le livre, pour moi, est essentiel. Chez moi, le soir, je regarde des fois, Dieu sait si mon emploi du temps est tyrannique, je regarde ma bibliothèque avec infiniment de plaisir, comme un avare compte ses sous. C'est stupide, mais c'est comme ça. Zanzibar. Ah, faudrait demander à Macorlan. Il aurait fallu demander à Macorlan. C'est tous des noms qui font rêver, comme Valparaiso, comme Port-Vendre. Il y a des noms qui font rêver, effectivement. Vous me parliez de rêves tout à l'heure. Ce sont des rêves éveillés et on part. C'est vrai. Georges Brassens. J'ai beaucoup d'amitié pour Georges Brassens. Mais dire qu'il a énormément de talent, c'est vraiment banal. Moi, ce qui me touche en Brassens, c'est que je crois que cet homme est complètement désespéré. Physiquement, d'abord, avec ses continuelles crises, puisqu'il a la maladie de la pierre. Et je pense que dans la vie, on peut avoir deux ou trois pierres, faire deux ou trois pierres, mais je crois qu'il en est à sa 30e maintenant, dont deux opérations. Alors ceci, peut-être, lui change le moral, bien qu'il soit assez robuste pour amadouer la maladie et puis lutter avec elle. Et vous savez, les tactiques surviennent lorsque on est souvent en mauvaise posture. Mais je pense qu'il est complètement désespéré, car si certains ont rêvé à un monde meilleur par le communisme, d'autres par l'anarchie, Brassens, étant, puisqu'il avait été journaliste au Libertaire, étant enclin plutôt à l'anarchie, je pense qu'il a renoncé à voir une solution générale du monde. Il est devenu individualiste, peut-être l'a-t-il toujours été, individualiste dans le sens qu'il essaye toujours de progresser lui-même, de ne faire jamais de mal autour de lui, de faire du bien à ses amis, du bien même à des étrangers. Je peux, si j'ai le temps, vous raconter une anecdote. Un jour, un clochard est venu à l'Olympia voir Georges Brassens. Il lui a dit « Je sors de prison, pourriez-vous avoir la gentillesse, je sais, votre générosité de m'aider ?» Brassens avait peut-être 80 000 francs sur lui, il en a donné 60. Et trois ans plus tard, le clochard est revenu à Bobineau. Il a dit, voilà monsieur, grâce à vous, j'ai pu me refaire dans la vie, je viens vous rapporter ce que je vous dois. Alors vraiment, le visage de Georges avait rajeuni de 20 ans ce soir-là, il était émerveillé. Je pense qu'il ne croit plus qu'en des solutions comme ça, qui sont vraiment des solutions de charité, de bonté limitée, et qu'il ne croit plus... une solution planétaire pour les hommes, ce qui le déchire profondément en dehors de ses ennuis organiques. L'écriture. Ah, c'est à la fois. Je crois qu'il faut être masochiste, c'est une maladie, l'écriture. Vous savez, j'ai été journaliste, j'ai écrit, je pense, des milliers d'articles, et chaque fois que je dois écrire quelque chose, j'entends les gens qui me disent, toi qui écris facilement, et chaque fois pour moi, c'est une angoisse. Vraiment, j'ai une passion de l'écriture. C'est pour ça que j'aime des gens comme Morand, qui savent jouer avec les mots, que j'aime Léoto, qui a une simplicité, qui est arrivé à une simplicité extraordinaire. Oui, l'écriture, pour moi, c'est essentiel, quoi. Parce que quand je rentre le soir chez moi et que je peux écrire, c'est vraiment un immense bonheur. Les pois de senteur. C'était la fleur préférée de mon père, et tous les dimanches, quand nous allions... parce que j'allais pas tous les dimanches, mais tous les jeudis, pardon, nous allions... j'ai passé mon enfance avec ma mère, j'étais vêtu de noir, j'avais perdu mon père, j'avais 5 ans, et ma mère était veuve, elle avait 29 ans, elle a été en noir jusqu'à sa mort, à 62 ans, elle allait au cimetière une fois par semaine, et tant que j'ai été enfant, vêtu de noir avec elle, j'allais au cimetière, et nous apportions des pois de senteur sur la tombe de mon père. Vous êtes tombé avec ce mot sur lequel je ne m'attendais pas, vous m'avez fait ressurgir tout un passé. La chanson. J'aime beaucoup la chanson, parce que vraiment, elle vous accompagne au long d'une vie, une mélodie les plus bébêtes, si vous voulez, bien soudain. Non, j'aime beaucoup la chanson, évidemment, j'ai des préférences pour Brassens, pour Félix Leclerc, pour Ferré, pour Nougaro, je pourrais en citer quelques autres. La chanson est essentielle à l'homme. Marignan. La bataille. La bataille de Marignan. Ça ne me dit rien. Oui, effectivement, si je m'appelle Francis Blanche, dont les escargots meurent debout, qui s'amusait à jouer avec 1515 et la bataille de Marignan. mais ça n'évoque même pas les bancs scolaires pour moi. Louis Nucera, nous continuons. Je vous offre encore un certain nombre de mots clés. Le bonheur. Le bonheur. Oh, moi, je n'arrive pas à connaître. Ma position est celle-ci. Et on ne peut rien me faire. Et je ne supporte pas ce qu'on fait aux autres. Je crois l'avoir déjà dit ou expliqué dans le livre. Je n'arrive pas à être heureux dès que j'ouvre un journal le matin. C'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à être heureux, mais pas par rapport à moi, parce que vraiment, je m'en fous. Et c'est ce qu'on fait aux autres qui me rend malade. Donc je ne peux pas être heureux. Le bonheur, je ne peux pas le connaître. La peine de mort. Je suis opposé. Cela dit, si quelqu'un assassinait et violait mon fils, je ne sais pas comment je réagirais. Raymond Moretti. Raymond Moretti, pour moi, vous savez, dans la vie, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai connu... des personnes que j'estime et qui j'ai eu le bonheur de devenir leur ami. Et Raymond Moretti est de cela, l'homme qui m'a le plus impressionné. J'ai une passion pour l'homme Raymond Moretti, pour sa dureté envers lui-même et aussi envers les autres, et pour son œuvre. Je crois qu'il invente un art. Je crois qu'il fait ce que Artaud, dans les correspondances entre Rivière et Artaud expliquait ce qu'il voulait faire, cette projection de sa pensée. Et je pense que Moretti réussit dans l'œuvre qu'il a entrepris depuis 3 ans maintenant et qui se trouve à Nice en attendant de trouver un local à Paris assez important pour l'accueillir puisqu'elle a 30 mètres de long, 15 de haut et 20 de large. Il est évident que dans un tout autre pays que le nôtre... Je pense qu'on n'aurait pas à chercher longtemps une place et qu'on aurait su reconnaître Moretti qui est à la fois Le Corbusier, Picasso et Da Vinci. C'est un être exceptionnel. La magie. Bon, c'est un mot que j'emploie parfois. Bon, c'est un mot qu'il faut compte plus, il ne faut pas, faut plus le dire maintenant, ce mot. Je suis assez frappé en lisant Georges Bataille, qui 30 ans avant tout le monde, enfin avant beaucoup, je ne dis pas tout le monde parce que je n'ai pas tout lu, hélas, a su employer le mot exact et ne plus se perdre dans ses mots. Je ne sais pas comment m'expliquer. Je préfère les mots scientifiques et exacts que le mot de magie. La médiocrité. Ah, elle pèse vraiment sur nous. L'autre jour, j'étais... à table avec une femme qui se piquait de littérature et qui s'est écriée « Mon écrivain favori est De Cobra et vous ne m'en ferez pas démordre ». Bon, je ne suis pas contre les gens qui lisent La Madone des Sleeping, ma mère le lisait quand j'étais gosse, mais ces gens qui tranchent et qui sont d'une bêtise incroyable, c'est épouvantable. Si vous voulez, les médiocres, c'est à partir du moment où on fait étalage de connaissances quand on n'en a aucune. Et je connais des gens qui n'ont aucune connaissance et ne sont pas des médiocres. Ce sont de grands messieurs ou de grandes dames. Les hippies. C'est un mouvement extraordinaire parce qu'ils refusent cette société dans laquelle nous vivons. Ils sont évidemment extrémistes, mais sans extrémisme, les réformistes auraient beau jeu de se pavaner, ils n'en feraient aucune de réforme parce qu'on ne leur accorderait rien. Je me fous si à 40 ans ils seront PDG de leur société ou d'une société de papa, mais pour le moment, ils mettent le monde en alerte et c'est tout ce que je demande, l'alerte perpétuelle au monde. Claude Nougaro. J'aime beaucoup Claude Nougaro qui vit une période difficile parce qu'il y a un certain divorce entre le public et lui, mais il faut qu'il ait le courage de continuer sa recherche. Il sait jouer avec les mots comme les grands écrivains et sur scène, il a une véhémence, il mord les phrases. Je crois beaucoup en Claude Nougaro qui réussit ce que la chanson doit être, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir des paroles très supérieures à la musique et vice-versa, mais comme pour Brassens d'ailleurs, des paroles de grande qualité, une musique de grande qualité. L'Île-de-France. Je la connais mal. J'ai été élevé à Nice, j'ai peu voyagé dans ma vie, et je suis arrivé à Paris en 1964, et j'ai énormément travaillé tout de suite, sans un seul jour de vacances. D'ailleurs, quand je pars en vacances, je m'emmène avec moi, ce qui est assez fatigant. Et l'Île-de-France, vous savez, pour Méditerranéen, on a l'impression que tout peut pousser en Île-de-France. Tandis qu'on comprend la dureté à l'inverse de la carte postale qui dit la légèreté des gens du Midi, ce qui est absolument faux. Ce sont des gens infiniment durs, austères même, et bien que ce soit des virtuoses du masque parfois, mais plutôt sur le bord de la mer que dans la vraie montagne, niçoise ou alpine. Et ce qui frappe pour un être comme moi, qui a toujours vécu dans le Midi, c'est la fertilité, la richesse de cette terre d'Île-de-France. J'aime beaucoup l'Île-de-France, beaucoup. Quand je passe en voiture, mais je la connais mal. L'homme. Et l'homme, c'est... L'homme, c'est essentiel. Parce que on fait du mal à un homme, tout est déjà foutu. Voilà. L'humour. L'humour, on disait, c'est la politesse désespérée, on disait. C'est ça, non? Oui, je crois que c'est ça, la politesse désespérée. Il me semble. Moi, j'aime beaucoup l'humour. L'humour azuréen est très différent de l'humour saxon. On fait surtout beaucoup en comparaison, vous voyez, énorme, caricatural, pour que les gens comprennent. Je suis un amateur d'humour. Le feu. Le feu, c'est fascinant. Quand on est autour dans une maison, autour de l'âtre, c'est extraordinaire, le feu. Maintenant, quand on est, je me répète, méditerranéen, et qu'on voit ce qui s'est passé, et qu'on voit que les forêts de notre pays vont devenir... Notre pays va devenir la Grèce sous peu de temps. Vous savez que ce qui frappe le voyageur qui arrive de Bulgarie et qui vient en Grèce, c'est que jusqu'à la frontière bulgare, il y a des forêts magnifiques, et puis la Grèce, c'est complètement, définitivement pelé, quoi. C'est atroce. Et quand on... Moi, quand j'ai connu les collines de Nice... qui était magnifiquement boisé et que je le vois pelé maintenant, c'est épouvantable le feu aussi. Ça peut être très beau quand il est maîtrisé et c'est odieux quand il devient un cataclysme naturel ou naturel, puisque même si c'est l'homme qui met le feu, c'est aussi naturel, quoi, l'homme est naturel. L'enfant. L'enfant. Me font de la peine, les enfants. Je ne sais pas ce qui va les attendre. Quand je les vois... vivre, moi j'ai un fils maintenant qui a 21 ans, mais quand je vois vivre les gosses maintenant, j'ai beaucoup de peine. Je ne sais pas ce qui les guette. Je ne sais pas si l'homme arrivera à maîtriser ce qu'il a lui-même engendré. Et ça m'effraie. Les proverbes. J'aime beaucoup les proverbes, j'aime beaucoup les lieux communs. Premièrement, ils se contredisent, comme toujours dans la vie. Et ensuite, je répète la phrase de Jean Paulhan, il va sans dire, mais il ira encore mieux en le disant. La voiture. La voiture est une paire de chaussures pour moi. Ferdinand Céline. Ah. Je pense que... Je ne vais pas être mauvais avec Céline en disant que c'est un poujadiste de génie. Je pense qu'effectivement, souvent ses préoccupations étaient très petits commerçants. Mais pour moi, c'est extraordinaire, Céline. C'est l'écrivain que je préfère. De ceux que j'ai lus, hein, parce qu'il est... Il y a des écrivains que je ne connais pas. Mais moi, je relis Céline, je viens de relire Semmelweis, sa thèse en médecine, vous savez. J'ouvre n'importe quelle page Céline. Il y a avant et après Céline. Enfer Malherbe vint, enfin Céline vint. Victor Hugo. Victor Hugo, c'est... J'ai lu Victor Hugo quand j'avais 16 ou 17 ans. Les Misérables, Notre-Dame de Paris, enfin... Je le connais mal maintenant, Victor Hugo, je ne peux pas en parler. Pour moi, ça reste un personnage, c'est comme une légende de Victor Hugo. C'est une statue qui veille sur nous comme une vierge au regard tutélaire. Le champagne. Je n'en bois jamais. L'orgue. Alors, l'orgue, pour moi, c'est une damnation, l'orgue. Voilà, j'ai un fils qui est passionné de clavecin et d'orgue. Et pendant des années chez moi, il a mis l'orgue à plein régime avec le pick-up. Et moi, je suis un homme silencieux comme un chat, une lente besogne d'écrivain ou de lecture. Et j'entendais ça, j'avais une Notre-Dame chez moi, quoi. Alors j'ai une allergie à l'orgue, c'est une fièvre obsidionale, quoi. La colère. J'essaye de me contenir le plus possible ces poussées d'adrénaline qui montent en moi. C'est pas toujours facile. J'ai une belle anecdote de Marcel Pagnol. Il se trouvait à Marseille et soudain un chauffeur de taxi l'a injurié, mais avec des mots que je ne peux pas dire ici. Mais imaginez les plus terribles. Et Marcel Pagnol a baissé légèrement sa vitre et a dit « Je ne vous crois pas, monsieur ». Et alors quand, des fois, j'ai envie de me mettre en colère, je pense à cette petite anecdote de Pagnol et j'essaie de ne pas l'être. Le cheval. Ah, c'est beau. Moi qui aime les films de cow-boys, j'aime beaucoup les chevaux, mais je ne suis pas connaisseur, puisque je ne joue pas au tiercé. Alphonse Boudard. Vous voyez, je trouve, j'aime bien que vous me posiez, que vous mettiez le nom d'Alphonse Boudard. Je trouve qu'il a écrit un très grand livre qui s'appelle La Cerise. Certains disent que c'est un sous-Céline. Je pense qu'ils ont absolument tort. Je me rappelle que Jean-Paul disait, quand quelqu'un cherchait Céline à ses côtés, « Ferdine, il est en train de s'apprendre l'argot. » Tandis qu'Alphonse, il n'imite pas Céline. Il ne peut pas écrire autrement. Parce qu'Alphonse, c'est un gars du 13e arrondissement, c'est un gars de la rue. Et vraiment, c'est naturel. C'est Céline qui n'est pas naturelle. Voyez-vous, hein? La lecture. J'aime beaucoup la lecture. Vous voyez, le rêve de ma vie, ce serait d'avoir d'un éditeur une rente, mais vraiment très modeste, pouvoir lire 4 ou 5 heures par jour, pouvoir écrire 4 heures environ, et pouvoir me promener une heure. Et malheureusement, il faut que je dévore tout le temps sur mes nuits, sur mon sommeil, les temps consacrés à la lecture. Et je le fais au maximum, mais quand je rencontre des étudiants, quelle avance ils ont sur moi, bien qu'il n'ait que 20 ans ou 21 ans. La maison. Pendant longtemps, je croyais ne pas être attaché à la maison, et puis maintenant, je me rends compte... Oui, je viens de passer un mois et demi à Nice, et je n'étais pas chez moi. Je n'ai pas pu écrire une ligne. Et je vis dans un tumulte très grand ici à Paris, de par mon métier, et pourtant, quand je rentre chez moi... Grâce à la maison, je vais vous faire plaisir à la magie de la maison, je me trouve dans mon coin et je peux réussir à écrire 2-3 heures encore. Essentiel, la maison. Jean Cocteau. Ah, Jean Cocteau, c'était la mémoire de notre temps. Ah, moi, j'étais ami, il m'appelait le donneur de sang, Cocteau. C'est une des plus grandes pertes de ma vie, Jean Cocteau. J'ai perdu des amis comme Pierre Brive, que je regrette tous les jours. Et Jean Cocteau, parfois je revois son fils Doudou et puis on parle de Jean sur des petits faits comme ça. C'était extraordinaire, Cocteau. C'était un cow-boy en dentelle. C'était un homme qui paraissait fragile, qui était toujours en train de se battre, de lutter. Et peut-être virtuose du masque si l'on veut, mais avec ses amis, il n'y avait pas de masque. Il était extraordinaire. Une soirée avec Cocteau, c'était... avoir lu 2 ou 3 livres, parce que ça allait profond et ça allait en même temps dans l'anecdote plaisante. Par exemple, son livre La difficulté d'être est un chef-d'œuvre qui est paru aux éditions du Rocher. J'ai presque les larmes aux yeux quand je parle de Cocteau. Il a écrit sur Moretti des choses extraordinaires. Et puis cette jeunesse, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, il a écrit Le cas Moretti. Et à un moment donné, il dit que les peintres allaient peindre sur le motif comme Courbet. Malheureusement, ils revenaient avec des paysages tués dans leur gibecière. Et j'ai vu Cocteau, me lisant cette phrase, se penchant vers moi avec une joie d'adolescent, parce qu'il trouvait merveilleux d'avoir trouvé cette phrase. Donc, il avait à l'époque 71 ans. Et bien, il mettait vraiment longtemps à devenir jeune, comme il le disait. La futurologie. Voilà. Je ne sais pas si ce mot est un mot courant, mais je voudrais, il paraît qu'il y a chez la RAND Corporation aux États-Unis un service de savants qui a enquêté sur le monde dans 20 ans. Il paraît que c'est tellement odieux ce qui va se passer, cette absence de maîtrise des éléments déchaînés, qu'on se demande si le monde va survivre. Et on n'ose pas le montrer aux gens. Moi, je voudrais qu'on nous montre tout et qu'on sache. Parce que le progrès est une chose extraordinaire. C'est grâce au progrès... pas aller écrire, dire sur le progrès, mais il faudrait qu'on sache ce qu'on va faire aux hommes, pour que les hommes puissent enfin se défendre, quoi. Il faudrait que tous ces rapports faits par des savants, aussi bien en Union soviétique qu'aux États-Unis, soient communiqués, quitte à semer des paniques comme lors de l'émission d'Orson Welles d'illustre mémoire. L'Académie française. Moi, j'y suis allé pour l'admission de Joseph Kessel. J'y suis allé pour l'admission de Maurice Druon. Maintenant, pour moi, ça ne dit pas grand-chose. L'Académie française ne me dit pas grand-chose, sinon... pour mes amis qui étaient comme Jean Cocteau, quoi. Et je n'étais pas, malheureusement, le jour... j'habitais encore Nice à l'époque, je n'étais pas le jour de son admission. Son discours d'entrée, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Staline, c'est un problème terrible pour moi, parce que j'ai failli être stalinien dans ma vie sans le savoir. Si on parle de Staline comme on parle de Louis XI, ça a été un grand homme. Si on parle de Staline comme un communiste, ça a été un anticommuniste frôlant le nazisme. Les nourritures terrestres. Rien à vous dire. Jules Ferry. Jules Ferry ? Rien à vous dire. C'est des noms qui ont passé dans mon enfance à l'école, quoi. Mais des noms que je méprise généralement, comme tous ces hommes politiques du 19e siècle. Balzac. C'est encore un auteur comme Victor Hugo que j'ai beaucoup lu lorsque j'avais été adolescent et que j'ai le tort de délaisser. D'ailleurs, Joseph Kessel me le reproche tout le temps. Lui qui relit Balzac, qui relit Tolstoï, Dickens, Dumas, il me dit « c'est impensable que tu ne relises pas ces livres-là. Il faudra que je m'y mette, mais je suis comme Faustocopie, je lutte contre le temps sans arrêt. » Le sport. Voyez-vous, je suis en train de travailler. S'il y a un match d'athlétisme extraordinaire à la télévision, je m'arrête vraiment. Vous seriez surpris, je pourrais faire un kit ou double et vous donner les vainqueurs du Tour de France de 1929 ou de 1935. J'aime beaucoup le sport. Je regarde toujours à la télévision les matchs de football. Je regarde l'athlétisme. Je préfère l'athlétisme à tout. Le cyclisme, la boxe, ce que je ne comprends. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi j'aime la boxe, mais enfin c'est un fait. J'aime regarder un match de boxe et comme j'ai été journaliste sportif aussi, j'en connais tous les dessous, c'est assez horrible. Et il doit y avoir chez moi un mauvais côté. Et vraiment, j'aime beaucoup le sport. Mais dommage qu'on en fasse une question de pays maintenant. Vous avez vu Saint-Domingue, le Salvador, Honduras et le Salvador qui sont arrivés à une guerre entre deux pays pour des questions sportives. Ou le chauvinisme, enfin, c'est honteux. Mais c'est comme toujours, quoi. Tout est dévoyé, quoi. Mais au départ, le sport, j'aime beaucoup. Et en tant que spectateur, je vais voir. J'ai même fait des courses de vélo moi-même. Malheureusement, je m'appelais etc. à l'époque parce que je n'ai jamais pu arriver avant. Mozart. Parler de musique, moi qui... Je connais... J'aime entendre la musique de Mozart. Je suis... cette vie de Mozart est stupéfiante. J'ai même lu la correspondance. J'ai écouté sur France Culture, d'ailleurs, en allant au bureau le matin. C'est une vie comme Rimbaud... comme Germain Nouveau, des vies extraordinaires. Le chat. Ah, ça, c'est... J'aime beaucoup les chats. J'aime beaucoup les chats parce qu'ils sont tous différents. Je crois que les hommes préfèrent les chiens aux chats parce que chaque homme est un dieu pour son chien, tandis que pour le chat, vous n'êtes pas du tout un dieu. Il traite avec vous d'égal en égal. Même parfois, il est un peu supérieur. Je ne dis pas que je n'aime pas les chiens, j'aime beaucoup les chiens, hein. Aussi, mais je préfère les chats. C'est-à-dire, je vous donne une phrase de Cocteau, je préfère les chats aux chiens parce qu'il n'y a pas de chat policier. L'environnement. C'est c'est un mot qui est très à la mode en ce moment. Hein. Et j'avoue que tous ces mots-là me fatiguent. Le calembour. Nous passons des nuits parfois à faire des calembours les plus mauvais possibles, et puis nous nous remettons des bons points pour notre participation à l'aventure humaine. La gloire. Je sais que... Vous me parlez pour moi, là ? Ah, si jamais je voudrais... La gloire en général, la gloire. Je pense que les gens qui atteignent à la gloire... Enfin, ils ne doivent pas être bien, quoi. Parce que rien n'est mieux que d'être anonyme, quelque part. Dès qu'il y a du prestige qui s'ajoute à quelqu'un, les rapports sont faussés. Les gens ne sont pas aussi naturels que si l'on ne vous connaît pas. Et puis ensuite... Quand on voit des gens vous faire des manières gentilles d'ailleurs et de bonnes intentions, parce qu'on est plus connu que notre, moi personnellement je me sens tiré dans mes petits souliers. Et c'est l'anonymat que je préfère. Et puis alors les gloires sont tellement usurpées, quand on pense aux gloires militaires, pour moi c'est l'enfer, quoi. C'est la nausée. L'essentiel. Ce qui est essentiel pour moi. Il faudrait quand même... Aujourd'hui, on me racontait l'histoire des gens qui sont tauliers 8 heures par jour chez Renault. Et quand ils arrivent chez eux le soir, ils ne peuvent plus que se coucher, s'abrutir dans du vin ou dans un soporifique, parce que vraiment, leur cerveau est malmené. Il est évident que 8 heures, c'est moins qu'avant que l'on arrache au tiers de toutes les générations... un petit peu des avantages horaires. Mais je voudrais qu'il n'y ait plus de tauliers chez Renault qui rentrent sourdingue le soir chez eux. C'est un petit exemple. C'est intolérable de vivre si on réfléchit, parce que moi-même, je suis un privilégié, quoi. Et pourtant, il faut... Peut-être pourrait-on inventer... de faire des tôles sans taulier, quoi. C'est possible, puisque si... Il n'y avait pas le cartel du pétrole, nous n'aurions pas l'air pollué. Il y a 30 ans que nous aurions des voitures électriques ou des voitures avec une petite pastille d'uranium ou je ne sais pas quoi. Il doit y avoir des moyens vraiment d'améliorer le sort de l'homme au maximum. Et qu'un cantonnier lise Shakespeare tout en balayant sa rue. La mort. Je n'y pense jamais, c'est curieux. Je vois Georges Brassens qui... La mort revient souvent, effectivement, dans mon livre, elle revient aussi, puisque d'ailleurs, à la fin. Mais je n'y pense jamais en ce qui me concerne. Peut-être un jour en aurais-je peur, mais je pense toujours à la mort des autres, quoi. Et surtout, c'est que je ne voudrais pas mourir en laissant des gens que j'aime désemparés. Et vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense souvent à la mort pour les autres. J'ai une angoisse de penser qu'un ami puisse être menacé. Dieu. J'ai déjeuné avec un prêtre qui est un grand ami, un journaliste, André Sève, avec moi. Nous avons longuement parlé de révélation et de Dieu. Et cet homme, qui est comme un frère pour moi, dès que nous parlons de Dieu ou de la révélation, je ne le comprends plus. Et ce que je lui réponds, il ne le comprend pas, c'est-à-dire que ce frère devient soudain un martien pour moi, comme moi je suis un martien pour lui dans un compartiment de nos vies. C'était Louis Nucera, au micro de Pierre Lost dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois le 21 août 1971 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.